Détends ce soir sur M Radio. Je sais que pour vous détendre, vous allez passer un petit temps sur votre smartphone. Vous allez regarder les sites, vous allez regarder les annonces. Que sais-je encore? Bon, pendant votre petit moment téléphone, smartphone, même ordinateur, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez vous inscrire pour participer au M Radio Réveil, émission spéciale du mardi 4 février à Lyon. La chanteuse Stilto sera également l'invitée de l'émission, émission qui se déroulera du côté de l'ISECOM, incubateur lyonnais des talents de la communication de demain. Rendez-vous sur mradio.fr pour vous inscrire et y participer. Tranquillement pour vous, on repartira en 91 avec celui qui n'a jamais réussi à déjeuner en paix, Stéphane Echer. Et on n'oublie pas Jérémy Frérot également sur M Radio. Mets-toi tout nu.

Merci d'avoir choisi M Radio. Profitez bien de votre soirée. Elle fait partie des artistes préférés de la famille. Ma fille est totalement fan de Hoshi. Toute la chambre est tapissée de posters de Hoshi. Bon, effectivement, on est fan aussi. Hoshi, M Radio défend la chanson française et la nouvelle scène française. Évidemment, Hoshi, que l'on retrouvera le 13 mars au Théâtre des Folies Bergères. Enfin, le 13, les 13, 14, 18 et 19 mars. Toutes les infos, mradio.fr, notre application. Hoshi, qui va me quitter encore longtemps. Et on retrouve également Amir avec Indila sur M Radio. Alors, t'as réservé tes vacances au soleil ? Eh oui, avec Air Caraïbes, c'est le moment parfait. Il y a des promos vers toutes les destinations et pour toutes les classes. Et en plus, il y a moins 50% sur le choix de ton siège et 50 euros de réduction supplémentaire par passager dès le troisième passager. C'est pas vrai, je réserve tout de suite. Envolez-vous vers la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la République Dominicaine ou Cancun à partir de 449 euros. Aller-retour en classe soleil. Offre soumise à conditions, valable jusqu'au 29 janvier 2025. Plus d'infos sur aircaraïbes.com ou chez votre agent de voyage. Air Caraïbes, la compagnie haute en couleur. M Radio Paris, M Radio 102.7. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui me traîne? J'ai le Vésuve au fond des veines. Ah, elle est si belle. La douleur qui m'interpelle. Le plus beau des coups que la vie assène. Le plus beau des corps de corps qui joue la scène. Je suis tant étourdi, je tiens à peine. Mais ses désirs me retiennent. Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois j'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel. Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois j'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel. Dans ce carrousel, dans ce carrousel, dans ce carrousel, dans ce carrousel. Je ne joue pas, ce n'est pas un game. Là tu t'engages quand tu m'aimes. Faudra me préserver jusqu'au souffle dernier. Je cours, j'ai le cœur en aller-retour. C'est la première fois j'ai trouvé enfin l'essentiel dans ce carrousel. Oui, je cours. Tout ce que ma peau recèle. J'ai peur de toi comme d'une sublime attraction. Une seconde avant l'action. Si tu m'aimes, si je t'ouvre mon cœur, c'est que tu sèmes une graine, une fleur. Tu devras me garder abîmée ou belle dans ce carrousel. Et je cours, j'ai le cœur en or. Chanson française. On continue sur M Radio avec une heure de musique sans pub. M Radio. Numéro 1. Numéro 1 sur la chanson française.

de transporteurs de fond et puis de grosses galères. Je peux plus respirer dans ce monde parmi fous. Je voudrais m'arrêter, je peux plus respirer dans ce monde parmi fous. Je voudrais m'arrêter, je peux plus respirer dans ce monde parmi fous. Il faudra que je cours tous les jours. Faudra dire que je cours jusqu'au bout pour connaître le monde et l'amour. Il faudra que je cours tous les jours. Faites-moi de la place, juste un peu de place pour ne pas qu'on m'efface. Faites-moi de la place, juste un peu de place pour ne pas qu'on efface. Tous les artistes de la chanson française sont sur M Radio. Bonjour, c'est Francis Cabrel. Vous m'écoutez sur M Radio. M Radio. M Radio. M Radio numéro 1 sur la chanson française. Thank you. trop chaud dans le velours. Et puis te voilà, poule de femme comme soufflé d'une sarbacane. Le ciel a même un autre éclat depuis toi. Vous y allez? Non, non, vous restez avec moi. Ce serait dommage de passer à côté de la soirée sans pub. Hein. C'est Julie, ravie de vous retrouver ce soir. On est ensemble jusqu'à minuit. Et donc, au cœur de cette soirée sans pub, je vous propose de retrouver Cobalt. Cobalt, qu'on aime beaucoup, hein, avec ce titre sincère. M Radio défend la chanson française et vous propose effectivement de découvrir régulièrement de nouveaux talents. Cobalt à suivre avec ce titre que l'on aime beaucoup. Et puis, est-ce que vous aimez sa sensualité? J'aime, j'aime ses yeux. Oui, vous connaissez encore les paroles. Bon, alors on y va. Axel Red sur M Radio. Je suis un être à la recherche. Alors je cherche une foule.

aller tout au fond, à six pieds sous terre. À deux, on se morfond. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Existe-t-il un autre style? Don't speak my mother tongue. Comme moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. So, écoute. Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux. Poussière tous les deux. Existe-t-il un autre style? Que vous m'avez fait. Non, mais moi, c'est pareil. Hey, man, man, man. On chante plutôt bien. Moi, je pense qu'on peut se féliciter. Hein. De toute façon, il ne faut pas attendre que les autres nous félicitent. Autant le faire nous-mêmes. Joseph Kamel était l'invité d'Ambeline Brumin dans le podcast En tête à tête semaine dernière. Podcast que vous retrouvez sur notre site mradio.fr, notre application. On le retrouve, Joseph Kamel. Après un jeune artiste qu'on aime beaucoup, une radio qui défend la chanson française, c'est une radio qui défend les nouveaux talents. Filou sur M Radio. Une radio qui défend la chanson française, c'est une radio qui défend les nouveaux talents français. M Radio. Découvrez le dernier titre de Filou, tout finit par s'arranger. Laisse-les rire un peu beaucoup, laisse-les dire des mots sans goût, ceux qui n'y croient pas du tout. Ceux qui n'y croient pas du tout. Laisse-les vivre à travers nous. Laisse-les lire nos rêves fous, ceux qui n'y croient pas du tout. Et puis au fond, est-ce qu'on en a quelque chose à faire de leur vision? Est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Et puis au fond, est-ce qu'on a vraiment des choses à perdre? Quoi qu'il en soit, tout finit par s'arranger un jour, enfin je crois. Tout finit par s'arranger, je le sens au fond de moi. Laisse-les croire qu'ils nous étouffent, que nous sommes au fond du gouffre, qu'on échoue un point c'est tout. Laisse-les voir dans nos regards ce qu'ils ne pourront jamais avoir, cette envie de rester debout. Et puis au fond, est-ce qu'on en a quelque chose à faire de leur vision? Est-ce qu'on en a quelque chose à faire? Et puis au fond, est-ce qu'on a vraiment des choses à perdre? Quoi qu'il en soit, tout finit par s'arranger un jour, enfin je crois. Tout finit

bon et mauvais garçon. C'est la vie, ou c'est ma vie que j'attendais de toi à moi. Il faut tout recommencer. M Radio, M Radio. Ne changez rien, on est bien sur M Radio. Julien Lib, le jeu dans un instant et tout de suite Florent Pagny. M Radio, M Radio. peux m'essayer, même une semaine. Si tu veux m'essayer, c'est pas un problème. Si tu veux m'essayer, ma tête et mes veines, mon corps et mes idées, mes peurs et mes haines, je me ferai tendre pour t'apprivoiser, pour te garder, pour te défendre. S'il le faut, je me ferai sorcier. Si tu veux m'essayer, sans jurer toujours, juste pour y goûter, sans parler d'amour. Si tu veux m'essayer, mes mots me caressent, prendre ou me jeter, sans que l'on se blesse. Ça t'intéresse, sans vraiment t'engager, mensonge et promesse. Je serai le plus doux pour te décider, le plus inspiré, le plus fou. Tu ne pourras jamais m'oublier si tu veux. Quelques journées, ça ira ou pas. Elle est pas terroriste, elle est pas antiterroriste, elle est pas intégriste, elle est pas seule sur terre.